Alors, ce soir, c'est oui ou c'est oui ou mais qu'est-ce que ça veut dire peut-être? Tu m'as déjà fait le coup avec peut-être. J'ai fait le coup avec peut-être 100 fois, j'ai entendu ça, peut-être. Que ça veut dire peut-être? Alors, si c'est non, tu le dis. Tu le dis tout de suite si c'est non. Si c'est non... Eh ben si c'est non... Tu le dis tout de suite et tu me rends la voiture. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non? Comment ta mère est malade? Ah non, tu me l'as fait le coup de ta mère malade. Alors, c'est oui ou... Comment c'est qu'une de chevaux? Mais c'est les plus économiques! N'empêche que main de chevaux, comme tu dis, t'étais bien content de la montrer à tes copines qui venaient au bureau en métro! Alors, c'est oui ou... Comment ton mari est sorti de prison? Il te cherche? Et tu veux venir habiter chez moi? Non mais ça va pas la tête!